amis, j'ai passé un excellent week-end. Oui, j'ai commencé à gâcher. Ah, Christophe m'a vendu. Oui, excellent, mais décevant en même point. Les gens n'ont plus d'éducation, bordel. Vous le savez, je suis un homme assez pointilleux. Pointilleux, mais généreux. Je ne suis pas seulement un homme bon, un homme fort, un homme au corps lisse et musclé qu'on croirait sculpté dans le meilleur acier de la Roure. Je suis toujours prêt à aider mon prochain et souiller ma voisine. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne me prenne pas pour un con. Tenez, l'autre jour, je me promène au petit matin dans la rue. Je sortais ma concierge pour qu'elle fasse ses besoins. Quand tout à coup, alors que cette brave Madame Pedrosa jouait à la baballe, j'aperçois un truc qui bouge par terre. Je m'approche. Oh, c'était un vieux monsieur qui s'était fait renverser par un bus. Il sent ma présence, il relève la tête. C'est marrant, les vieux crénels. Ils perdent tout à leur âge, sauf l'instinct. Il avait bien senti que j'étais là, le chameau. Il me regarde et me dit... Ah, je lui réponds... Pardon ? Il recommence. Ah, là, je m'agace un peu. Je lui dis... Il va falloir être plus précis, pépé, si vous voulez quelque chose. Là, il tremble, il se met à cracher du sang. Je me dis... j'y vais pas, je m'approche pas. Vous savez ce qu'on dit des animaux blessés. Ça reste dangereux, même mourant. J'avais pas envie de me prendre un coup de canne. C'est alors que j'étais en pleine indécision. Le voilà pas qui s'énerve. Il me fait... Ah, puis sous l'effort, son œil droit tombe sur le trottoir. Là, je me dis, oh, Helmut, tu vas pas te laisser parler comme ça, tout de même, surtout pas un vieux. Alors, pendant qu'il continue à cracher du sang et à bouger dans tous les sens, je lui envoie, oh, t'as pas appris à lire, s'il te plaît, à l'école? Et lui, continue. Des cris ensuite au suivi de contractions, puis d'un vomissement d'une matière solide. J'ai cru reconnaître, le vieux était en train de vomir son foie. Et là, je lui dis, écoute, vieux bouc, si tu crois que je vais céder à tes caprices, tu te trompes lourdement. Dis-moi, s'il te plaît, et on verra ce que je peux faire. Et j'attends. 4 heures plus tard, je le touche, avec un bout de bois, on n'est jamais trop prudent. Il bougeait plus, il était mort, tout raide. Et voilà, c'est malin. S'il avait pas fait sa tête de cochon, je l'aurais amené illico chez le vétérinaire, moi, et on ne serait pas là. Moralité, soyez polis, les gens seront gentils. Bon, je vous laisse, je dois retourner à la banque du sperme. Oh, pas que je me suis trompé, je leur ai laissé du schnapps à la place de mon machin. Je me disais bien que l'apéro d'hier avait un goût bizarre. Au revoir.